Petite précision, c'est Michel Guévers. Salut Michel. Pourtant, ça s'écrit comme le début des petits fromages Gervais. Mais non, on dit Guévers. Et le pire, c'est que j'avais demandé à Michel, hors micro, et je croyais avoir compris qu'il m'avait dit que l'on disait Guévers parce qu'il n'y avait pas de U pour faire gu. Bon, on s'en fout, mais j'ai envie de le dire. C'est à la réécoute que j'ai découvert l'intrigue. La fraude fiscale est estimée à 30 milliards par an. C'est évident que c'est de l'argent volé à la collectivité. Bien entendu, rêvons que si demain la fraude était finie, ça ne réglerait pas évidemment notre société malade. Ce que je trouve intéressant avec la fraude fiscale, c'est que l'on n'en parle pas. Enfin, très peu, mais que surtout, on ne fait rien pour changer ça. Et surtout, les gouvernements successifs, les députés, les parlementaires, mais aussi les médias. On va devoir aller voter. J'entends déjà sur les médias dominants, une majorité de gens n'ont pas été votés. C'est incompréhensible, ils diront. Ou ont mal voté puisque le vote est obligatoire en Belgique. Et je lisais dans un journal pas alternatif, quoi, que 74% des électeurs sont sûrs de se rendre aux urnes. Les autres hésitent encore. Voilà. C'est souvent autour d'une table, ça se passe, c'est vrai. Bon, des fois, c'est dans la rue, en manifestation. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de choses qui se passent dans la rue, moi. Bon. Tu veux que je fasse des bruits de fond de foule? Micro. Voilà, et ouvert. Ici, c'est Michel Guévers. Guévers. Guévers. Michel Guévers, on va dire. Merci déjà, Michel, de me recevoir chez toi avec le micro. On est à Nîmes-Saint-Vincent, sur la carte du monde. Tu peux un petit peu la décrire pour les gens qui ne connaissent pas. Nîmes-Saint-Vincent, c'est dans le Brabant wallon et c'est à mi-chemin entre Wavre et Gembloux. Mmh. Voilà. Et on a un décor là, et on s'en souviendra, hein, on est le 19 janvier 2024 et il neige. Mais pas un tout petit peu, hein. Une bonne épaisseur de neige, oui. Qu'on n'avait plus l'habitude de voir, quoi. Absolument. Voilà. Et alors, on démarre ici avec Michel, qui est professeur, mais il n'est plus, parce que tu as un certain âge. Tu as un âge certain, quand même. Hein. J'ose le dire, 78. Peut-être c'est mieux que tu te présentes, mais moi, j'avais envie de te rencontrer parce que tu as écrit en 2014... Alors, c'est un truc un peu rigolo. Je vais essayer que ce soit clair, mais la semaine passée, j'interviewais la Fabrique Imaginaire. Est-ce que tu as déjà entendu la compagnie de théâtre, la Fabrique Imaginaire ? Non, je ne connais pas. Et donc, en faisant un petit peu de recherche sur la Fabrique Imaginaire, je tombe sur un article de Michel, ici présent, Michel Guévers. La Belgique n'a pas de problème budgétaire, elle a un problème fiscal. Et ça date, cet article de 2014. Je l'ai lu, ça datait, on aurait dit aujourd'hui, quoi, en 2024, quoi. Et du coup, ben, j'ai eu envie de rencontrer Michel. Et il est super parce que, voilà, je suis chez lui. Et hop. Donc, moi, je te laisse m'emmener où tu veux. Après, si c'est pas clair, je réagis. Si j'ai une question, je réagis. Mais voilà, je te laisse nous emmener où tu veux, quoi. Sur le sujet, évidemment. Après, Oui, c'est ça. C'est le pourquoi dont on se rend compte, quoi, en tout cas. C'est sur la fiscalité. Voilà, je ne sais pas si c'est juste ce que je dis. Oui, c'est le thème dont cet article parle. Mais peut-être ce qui est bien, c'est que tu te présentes, parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire, là, au fait. Ah oui. Que je dise qui je suis. Un peu, ton expérience. Michel Duvers. Donc, je suis né à Anvers de famille francophone, donc... certains Flamands me traiteraient de Frans Kilun. J'ai fait mes études en flamand à Anvers et puis j'ai fait ingénieur à Louvain, à l'Université catholique de Louvain. Je suis parti ensuite 3 ans à Stanford faire une thèse et puis je suis prof à l'UCL, ou l'UCL Louvain, depuis 1973. Oh, ma date de naissance! C'est vrai? Génial! Et je suis aussi parti pendant 4 ans en Australie. J'ai pris un congé sans solde de l'UCL pour aller faire de la recherche en Australie. Voilà, pays que j'adore. Et de la recherche sur quoi on a envie de savoir, là? Alors, c'est de la recherche sur ce qu'on appelle de la modélisation. Ça veut dire qu'on prend un processus, ça peut être par exemple... La distribution d'eau dans des tuyauteries, ça peut être le réseau Internet, ça peut être le processus qui relie les pluies au débit d'une rivière. Et on en fait un modèle mathématique pour pouvoir ensuite prédire, surtout, ou réguler. Voilà, ça c'est la partie essentielle de mon métier depuis 50 ans. Et je continue à faire de la recherche avec des camarades brésiliens. Et c'est sur quoi alors, sur quel sujet là, à ce moment-là? Mais pour le moment, c'est sur la modélisation des réseaux de distribution. Alors qu'avant, c'était sur toutes sortes de choses. J'ai travaillé par exemple dans les années 70 avec de la Verbelle, pour modéliser les fours de verrerie et ensuite optimiser la régulation de température dans les fours de verrerie. Ce qui leur a permis à l'époque de gagner énormément d'argent, mais pas moi, parce que j'ai fait ça, c'était ma première expérience industrielle, donc j'avais envie de voir ce qu'il y avait moyen de faire. Mais donc là, à l'époque, quand on fabriquait du verre plat, et puis qu'on changeait l'épaisseur du verre, on passait de 5 à 4 mm, il fallait parfois perdre pendant 3-4 jours la production parce que les températures n'étaient pas stabilisées et qu'alors il y avait des stries ou des bulles dans le verre, il fallait le casser. Et donc avec la régulation qu'on est parvenu à faire, en construisant d'abord un modèle mathématique, on a ramené les écarts de température, on les a réduits de 60%. Ce qui a vraiment augmenté énormément leur productivité. Voilà, ça c'est juste un exemple. Ok, on ne comprend pas complètement, mais on comprend l'essentiel. Et toi, tu as modélisé la chose et ils ont pu gagner plus d'argent. Ça, j'ai retenu. Oui. Et quoi, c'est bien ça, évidemment. Alors, tu es bien vu, quoi. C'est améliorer la productivité d'un four quand pendant plusieurs jours, on doit tout casser. Parce que la température n'est pas rigoureusement constante. Là, on parle de température de 1200 degrés et on ne peut pas se permettre de plus de 2 ou 3 degrés d'écart. Sinon, il y a des défauts dans le verre. Et donc, on doit tout casser et rejeter à l'entrée. C'est des fours de 50 mètres de long, donc c'est des trucs énormes. Voilà. De modélisation mathématique. Non, mais c'est intéressant pour qu'on comprenne un peu aussi ta manière un peu de voir le monde, peut-être, non? Peut-être bien, oui. Pas du tout, peut-être. Si, quand même. Je pense que s'il y a un mot qui me caractérise un peu, c'est la rigueur, être rigoureux dans ce qu'on étudie, dans ce qu'on affirme. Et alors, l'autre chose que je trouve très importante, c'est l'aspect pédagogique. Et donc, quand j'écris des articles scientifiques, j'essaye toujours que, je ne vais pas dire le commun des mortels, mais en tout cas une grande partie du public puisse au moins comprendre de quoi on parle. Et pourquoi ça? J'ai envie de poser cette question un peu... Pourquoi tu as envie que ce soit... que tout le monde comprenne? Eh bien, je vais donner un exemple. Il y a 2 ans ou 3 ans, en pleine période Covid, j'ai utilisé mon expérience en modélisation mathématique pour écrire une chronique dans Le Soir dans laquelle j'expliquais pourquoi il n'y avait pas moyen de réguler le Covid, c'est-à-dire de dire si on ferme les écoles, ça va réduire les risques de autant, si on oblige tout le monde à mettre des masques, voilà quel va être l'effet. Et donc j'ai expliqué qu'en fait c'était pas possible avec le Covid parce qu'on n'a pas de... Pour construire un bon modèle mathématique, il faudrait d'abord que le Covid règne pendant plusieurs années. Mmh. Voilà. Ma question, tu n'y as pas vraiment répondu. Hein. Ah bon ? Pourquoi tu as envie que ce soit accessible à tout le monde, ce que tu dis ? Parce que quand j'écris ça dans Le Soir, je veux que tout le monde comprenne, sans être des ingénieurs de modélisation mathématique. Et donc, oui, je pose la question de pourquoi tu as envie, parce que souvent, souvent on est dans son petit entre-soi, on parle pour les gens qui nous comprennent, et voilà, ça se réduit à ça. Souvent, on n'a pas cette idée de vouloir que le commun des mortels, comme on dit, comprenne. Ouais. Donc voilà, je posais juste la question pour savoir si tu avais... Tiens, pourquoi tu as envie que tout le monde comprenne ce que tu dises, même pas dans ton petit milieu, quoi, pas uniquement dans ton petit milieu. Ouais. Moi, je considère que ça fait partie de ma mission, je dirais, de prof d'UNIF ou d'enseignant, à quelque niveau que ce soit, c'est de faire en sorte que les gens puissent comprendre le mieux possible. Ok. Bon, eh ben, je te laisse nous emmener dans notre sujet, là, alors. Voilà. Alors, la carte blanche du soir, parue en novembre 2014... a été publié à peu près un mois après la mise sur pied du gouvernement Michel. Et le gouvernement Michel annonçait tout de suite, d'entrée de jeu, qu'on allait devoir faire de l'austérité, couper dans des services publics, etc. Avec toujours ce discours, nous devons prendre telle et telle mesure d'austérité pour sauver le système de sécurité sociale. Ça, c'était le grand discours de Charles Michel. Il faut sauver. Et donc, au fond, en quelque sorte, on va la démanteler, soi-disant pour la sauver. Et comme ça passe pas très bien dans l'opinion publique, ils ont utilisé le mot « moderniser ». Et alors, il est remarquable de voir que dans la déclaration gouvernementale du gouvernement de Charles Michel, en 2014, le mot « moderniser » apparaît 93 fois. C'est... Pourquoi ? Parce que c'est un mot... Tout le monde accepte qu'il faut moderniser, il faut être moderne, quoi. Merde. On va pas dire « mais non, il faut pas moderniser ». Et donc, on fait passer une pilule sous le couvert de la modélisation, de la modernisation. Voilà. C'est intéressant, lapsus, hein, non ? Oui, le lapsus est intéressant, tout à fait. Voilà. Et alors, à l'époque, j'ai écrit cet article dans lequel le thème un peu de l'article, c'est de dire la Belgique n'a pas de problème budgétaire, parce que Charles Michel nous disait « oui, on a un déficit budgétaire énorme, l'Europe va nous tomber sur le dos, donc on doit réduire nos dépenses ». Et en fait, le thème de l'article, c'est de dire « mais non, on n'a pas de problème budgétaire, on a un problème fiscal, parce que on ne veut pas faire en sorte de mettre fin à l'évasion fiscale ». On ne veut pas faire en sorte de s'attaquer à l'argent des plus riches. Et donc ça, c'est un peu un thème central. À l'époque, Le Soir avait révélé que le baron Albert Frère, qui est un des hommes les plus riches de Belgique, était parvenu à se payer un avion de 23 millions sans débourser un euro. Ce sont les contribuables qui ont payé. Mais explique-nous comment ça fonctionne, là, parce que j'ai du mal à comprendre. Ouf. J'ai pas envie d'entrer dans les détails, parce qu'ils sont tellement compliqués. Ça passe par le fait d'utiliser des sociétés écrans, de passer par des versements à l'étranger, d'utiliser... Non, mais quand tu dis qu'il a payé ça sur le compte des publics, comment en gros, pour qu'on... En gros, il n'a pas lui-même payé un euro pour cet avion. Mais il est parvenu à faire émarger ça en dépenses, je ne sais pas lesquelles, et bénéficier de toutes sortes de dispositions de la législation fiscale pour faire en sorte que finalement, il ne payait plus rien du tout. Voilà. Et donc, en fait, Ce que j'ai un peu découvert à l'époque, c'est que les ministres des Finances successifs, et en particulier Didier Reynders, qui a été ministre des Finances pendant 12 ans, ils ont mis en place toutes sortes de mécanismes d'évasion fiscale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qu'on considérait comme de la fraude fiscale, c'est punissable. On peut vous envoyer en prison pour faire de la fraude fiscale. On ne le fait pas, mais soit, c'est punissable. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On introduit des mécanismes d'évasion fiscale qui permettent de faire de la fraude, mais de manière légale. Ce qui était frauduleux devient légal. C'est l'optimisation aussi qu'on appelle. Oui, maintenant on a employé des nouveaux mots comme l'optimisation fiscale. Enfin, moi je suis quelqu'un qui, dans ma profession d'ingénieur, j'ai fait beaucoup d'optimisation. Et donc c'est un mot sympathique. Tout le monde veut optimiser les choix de sa vie, y compris les paiements qu'il paye au fisc. Voilà. Mais j'ai une question qui me vient. Est-ce qu'on a pu voir quand est-ce qu'a commencé ce basculement, tu vois ? Quand est-ce qu'a commencé vraiment Eh bien, Oui, je vais y répondre. Précisément, ce basculement, il date de l'époque de l'arrivée au pouvoir de Thatcher et de Reagan, c'est-à-dire 1980. Et alors, mais ça, ce n'est pas dans l'article, parce que c'est un travail d'investigation que j'ai fait quelques années plus tard, dans un numéro spécial de Pour, consacré à la justice fiscale, ou plutôt l'injustice fiscale. Et le titre de ce numéro spécial, c'est « L'injustice fiscale tue la démocratie et décuple la pauvreté ». Alors, dans ce journal auquel ont contribué une douzaine d'experts, j'ai notamment publié un article où j'ai passé en revue les taux d'imposition marginale après la guerre 40. Alors, pour être clair, le taux d'imposition marginale, c'est celui qu'on paye sur la plus haute tranche de ses revenus. En Belgique, vous avez pour le moment, j'ai imprimé le tableau, voilà. En Belgique, actuellement, quand on gagne entre 0 euros et 13 000 euros, on est déjà taxé à 25%. Là, on parle... Ouais. Sauf qu'il y a une quotité exemptée d'impôt de 9 000. C'est sur une année, tu parles, 0. Sur une année, oui, oui. Et alors, en Belgique, il y a quatre tranches, donc jusque 13 540 euros par an, c'est-à-dire, grosso modo, un peu plus de 1 000 euros par mois, on paye 25% d'impôt. Entre 13 500 et 24 000, on paye 40% d'impôt. Donc ça veut dire que dès que vous touchez 1200 euros par mois, vous êtes déjà taxé à 40% sur la partie la plus élevée. La tranche suivante, c'est 45% entre 23 900 et 41 000. Et au-delà de 41 000 euros par an, on est taxé à 50%. Ça, c'est ce qu'on appelle le taux marginal. C'est le taux sur la partie la plus élevée de vos revenus. Et donc aujourd'hui, en Belgique, on n'est jamais taxé à plus de 50% sur une partie de ses revenus, c'est-à-dire la partie la plus élevée. Donc les taux d'imposition moyens, parce qu'il y a les taux sur les parties inférieures, sont entre, on va dire, 15-20% et 40% en moyenne. Alors ce qui est intéressant, c'est de constater qu'aux États-Unis, en 1950, après la guerre, donc, on a imposé un taux d'imposition de 91% sur les tranches de revenus au-dessus de 200 000 euros. 200 000 dollars, mais c'est grosso modo la même chose. Oui. Sur une année toujours. Sur une année, voilà. Ça voulait dire que des gens qui gagnaient plus que 200 000 dollars, par exemple 250, sur les 50 derniers dollars qu'ils gagnaient, 91% allaient retourner à l'État. Autrement dit, on considérait que c'était pas normal que les gens gagnent autant d'argent que ça, puisque l'État repompe à peu près tout. Alors, en 64 jusqu'en 80, ce taux marginal aux États-Unis est passé à 70%, donc moins élevé, mais dès qu'on avait un revenu de plus de 100 000 euros par an. Donc ça voulait dire qu'au-delà de 100 000 euros, on considérait que vous étiez très très riche et qu'il fallait qu'une bonne partie de vos revenus retourne à l'État. En Belgique et dans les autres pays d'Europe, l'Angleterre, la France, on a eu des comportements similaires. Donc en Belgique, entre 1951 et 61, le taux marginal était de 80%. Et puis il est passé à 72% jusqu'au moment de l'arrivée de Reagan et Thatcher en 1980. Donc en 80 arrive cette nouvelle idéologie néolibérale, il faut que les riches puissent s'enrichir. Avec en parallèle un discours qui a été contesté par toutes les études scientifiques possibles et imaginables, c'est ce qu'ils ont appelé la théorie du ruissellement. Si les riches deviennent très riches, ça va percoler vers les gens à bas revenus. Toutes les études montrent que c'est complètement faux. Et ils faisaient croire à ça. Oui, on fait croire à ça. Et on nous dit, taxer fort va tuer l'économie. Il ne faut pas taxer trop fort, ça va tuer l'économie. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire, parce que pendant les 30 années après la guerre, entre 50 et 80... c'était les 30 glorieuses. L'économie n'a jamais été aussi florissante dans les pays occidentaux que pendant les années où on taxait très très fort les hauts revenus. Mais aujourd'hui, on a oublié ça. Oui, mais moi j'ai envie aussi de faire une petite parenthèse. Les 30 glorieuses, mais pendant... on faisait des 30 glorieuses parce qu'on allait aussi pomper l'Afrique, quoi. Hein, tu vois ce que aussi, je veux dire ? Je veux dire, ce n'est pas des richesses qui tombaient du ciel. Il y avait une économie... Oui, enfin, c'est le plan Marshall, les États-Unis, là, je suis occupée à lire un livre de Anne-Laurie Lacroix, ça te dit rien ? Non. Mais qui explique vraiment toute la logique du plan Marshall qui date bien avant de la guerre, en fait. C'est vraiment une logique que l'Occident va devoir payer, mais aussi, du coup, être en, comment dire, en prêt, donc être dépendant. Et donc, tu vois, on... même culturellement, tu vois, les Américains, depuis la guerre, on est sous leur coupe, quoi, en gros. Oui, tout à fait. C'est Annie Lacroix-Ri, hein, donc c'est pas Marie, il n'y a pas de Barry, c'est Annie Lacroix-Ri. Et le titre du livre, c'est « Les origines du plan Marshall », et le sous-titre, c'est « Le mythe de l'aide américaine ».« Le mythe de l'aide américaine », l'aide entre guillemets. Et c'est aux éditions Armand Collin. Alors, ça, c'est le taux sur les particuliers. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, au-delà de la quotité exemptée d'impôts, donc tout ce qui est inférieur à 9 270 euros par an, vous n'êtes pas taxé. Au-delà de 9 270, ce qui est un salaire de moins de 1 000 euros, c'est de l'ordre de 850 à 900 euros par mois, vous êtes déjà taxé à 25%. Et si vous gagnez plus que 13 540 par an, ce qui correspond grosso modo à 1100 par mois, vous êtes taxé à 40% sur la partie supérieure. Et ça veut dire que donc, au-delà de 1150 euros par mois, on est taxé à 40%, alors que le seuil de pauvreté est de 1287. Donc on est en dessous du seuil de pauvreté, on est en pleine pauvreté, et on est déjà taxé à 40% pour une partie de ses revenus. C'est hallucinant. 40%? Oui, pour la partie qui dépasse les 1150 par mois. Alors, on entend tout le temps ce discours, dès qu'on veut imposer... un nouvel impôt ou qu'on veut taxer les riches ou taxer les sociétés, tout de suite, on a les libéraux qui arrivent en criant « Mais nous sommes un des pays les plus taxés au monde et vous voulez encore augmenter les impôts. » Peter Timmermans, patron de la FEB, même chose. « Comment ? C'est incroyable, vous voulez encore taxer alors qu'on est parmi les plus taxés du monde. » Ce qu'ils oublient systématiquement de dire, c'est que ce sont les travailleurs qui sont taxés. C'est effectivement, comme je viens de le dire en citant les taux d'imposition, on est un pays où, avec des très très bas revenus, on est déjà très fort taxé. C'est sans doute le pays de l'OCDE qui est dans la plus mauvaise situation à ce niveau-là. Par contre, dès qu'on veut mettre fin à de l'évasion fiscale, immédiatement, les libéraux sont là pour dire « attention, ne touchez pas à ça, on est déjà tellement taxé en Belgique ». Je donne un exemple qui a été assez frappant. En 2021 ou 2022, Jean-Luc Cruc est maire à l'époque. Maintenant, il est passé chez les engagés. Il était ministre des Finances de la région Wallonne. Et il voulait mettre fin à une fraude fiscale toute bête, qui était que des gens qui achetaient un combi modifiaient... Donc un combi, une camionnette ? Une camionnette, modifiaient deux, trois trucs sur leur combi qui leur permettaient de le faire passer comme une voiture professionnelle. Et là-dessus, ils payaient beaucoup moins d'impôts. Et donc c'était une fraude tout à fait évidente, mais c'était de l'évasion fiscale. Parce que ce qu'il faisait était légal dès le moment où il fallait rajouter je ne sais pas quel truc sur le pare-brise arrière ou que sais-je, et hop, ça devenait une voiture professionnelle, et du coup, c'était moins taxé. Donc Jean-Luc Cruc dit ça va pas, je mets fin à ça. Eh bien, il a été viré par son président Georges-Louis Boucher, et à la suite de ça, il a démissionné du MR parce qu'il était choqué de voir... que mettre fin à une stratégie d'évasion fiscale aussi évidente n'était pas tolérée par le MR. Mais moi, je veux juste essayer de comprendre, parce que là, ce que tu viens de raconter, ça me fait penser comme à des gens qui sont indépendants et qui essayent de trouver des petites astuces pour essayer de payer, d'être le moins taxé, quoi. Ouais. Mais quelque part, bon, je te dis comme ça sans réfléchir vraiment à ce que je dis. Attention, c'est grave, là, ce que je dis, parce que c'est enregistré. Non, mais je veux dire, ça... Il y a des gens, il y a les petites gens, quoi, qui se débrouillent comme ça aussi, tu vois. C'est ça que j'arrive pas à bien comprendre, comment... Mais là, j'ai donné un petit exemple pour dire que dès qu'on veut s'attaquer à un mécanisme d'évasion fiscale, les libéraux s'y opposent. Et c'est un exemple... que j'ai donné parce qu'il est simple à comprendre. Moi, je le comprends, si tu veux, mais ce que je comprends moins, c'est que d'office, ça touche monsieur, madame, tout le monde, qui essaye de trouver, évidemment... Je trouve que c'est un drôle d'exemple parce que ça touche les petites gens, quoi. Ça touche les petites et les grosses gens. C'est pas particulièrement des petites gens, mais ça touche tout le monde, effectivement. C'est une manière d'échapper partiellement à l'impôt. Voilà. Mais les gros mécanismes d'évasion fiscale, ça concerne des montants beaucoup plus élevés. Et donc là, je voudrais peut-être parler d'un mécanisme d'évasion fiscale que mon ami Christian Savestre et moi-même avons étudié l'année passée, que nous avons publié dans une chronique de Carta Academica dans Le Soir, et qui est le fait que chaque année, depuis 10 ans, les entreprises qui envoient de l'argent dans des paradis fiscaux doivent le déclarer. Et ces montants sont devenus de plus en plus élevés. Et je vais citer quelques chiffres. En 2016, c'est la première année où... l'administration des finances a révélé le montant, on était à 130 milliards d'euros qui partaient des entreprises belges vers des paradis fiscaux. C'était 50% de plus que l'année d'avant. L'année d'après, encore une fois 50% de plus. Et en 2021, les entreprises déclarent 383 milliards d'euros qui, sur une année, ont quitté la Belgique, les entreprises belges, pour aller vers des paradis fiscaux, principalement Dubaï. Alors Dubaï est considéré comme une place forte de la fraude fiscale, et l'ancien juge d'instruction français, qui était assez réputé pour sa lutte contre l'évasion fiscale et qui s'appelle Renaud van Rumbeek, a déclaré que Dubaï, c'est vraiment l'épicentre de l'argent sale. Bon, donc ça fait 383 milliards d'euros qui s'en vont chaque année d'une série d'entreprises. Et on se dit, comment se fait-il qu'on n'investigue pas cette affaire ? Et il se fait que c'est le fait de seulement 760 entreprises. Donc c'est pas des dizaines de milliers d'entreprises, c'est quelques grosses entreprises qui jouent à ce jeu. Alors quand on interroge le ministre, il dit « Oui, mais vous savez, c'est ce qu'on appelle du cash pooling, c'est de l'argent que les entreprises envoient vers Dubaï le vendredi soir » pour profiter de taux d'intérêt élevés, et le lundi ou le mardi, ça revient en Belgique. Comment ? C'est pas vrai. Alors, c'est en partie vrai. Et ils appellent ça le cash pooling. Et donc, lorsque des parlementaires ont questionné le ministre sur cette énorme fuite de capitaux, il a dit « Oui, mais 80% de ces flux reviennent ». Et c'est ce qu'on appelle le cash pooling, donc on envoie pour quelques jours et puis ça revient. Et puis la Cour des comptes a trouvé ce mécanisme inquiétant et ils ont creusé de plus près. Et il y a eu de nouvelles auditions au Parlement en octobre 2022, dans lequel on a commencé par dire « oui, c'est cet argent qui part et qui revient ». Et puis finalement, ils ont interviewé un administrateur général de l'administration des finances qui a révélé qu'en fait, le montant qui partait, c'était 578 milliards et que les 383, c'est après avoir déduit l'effet du cash pooling. Donc c'est des vrais départs. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a 383 milliards qui échappent au fisc. Mais il y a une partie significative. Ce n'est pas pour rien que les entreprises et les banques envoient de l'argent à Dubaï. Il se fait que Didier Reynders avait signé en 2002 ce qu'on appelle une convention préventive de double imposition. Ça veut dire que le principe, c'est que si vous avez payé des taxes quelque part, vous n'allez pas devoir repayer en plus des taxes dans un autre pays. Et donc ces entreprises utilisent cette convention préventive de double imposition, pour dire « Ah ben, nous, on a payé à Dubaï, peut-être 1%, alors qu'en Belgique, elle devrait payer 25 ou 30. Donc, on ne peut plus les taxer, c'est fait. » Bon, c'est une perte sèche très importante pour l'État. Et curieusement, il n'y a aucune enquête sur quelle est la partie qui échappe au fisc par ce mécanisme. Et la presse ne donne pas beaucoup d'écho à ça non plus. Donc moi, ce qui m'a frappé, c'est que chaque année, l'administration des finances publie le montant pour l'année d'avant, et ça apparaît en page 12, un petit article dans les grands journaux. Et personne ne dit « mais enfin, c'est incroyable, 80% du PIB qui s'en va, et personne ne s'intéresse à ça ». 80% t'exagère. 80%, attends, je vérifie mon chiffre, 84%. Oui, le PIB est à peu près à 540 milliards. Et donc, ou à 500. Donc, c'est 84% du PIB. Je n'exagère pas. Voilà. Ceci dit, ça ne me dérange pas que quand je me fais interviewer, on me dise « mais tu exagères ». Du moment qu'on ne me dit pas tu mens. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'en fait, les ministres des Finances ont mis en place depuis 20 ans des mécanismes d'évasion fiscale. Pour les riches. Pour les riches. Parce que quand Reynders signe une convention comme ça avec Dubaï, il sait très bien pourquoi il le fait. Il sait très bien que ça va permettre une évasion fiscale massive, parce qu'il sait très bien que l'imposition à Dubaï, elle est ridicule. C'est un paradis fiscal. Donc c'est une politique volontaire. Et après Reynders, il y a eu Van Overtveld, qui était le ministre des Finances sous le gouvernement Michel. Et donc, il a poursuivi cette politique de dire il faut favoriser l'évasion fiscale. Il l'a jamais dit comme ça, bien sûr, mais c'est ce qu'il a fait. Et je voudrais citer un exemple. En 2016, la Commission européenne accuse la Belgique d'avoir exagéré dans ce qu'on appelle les « excess profit rulings », c'est-à-dire c'est des accords qui sont passés entre l'administration fiscale et des entreprises en Belgique, oui. Et ce système belge avait entraîné la perte de 700 millions pour l'État. Et la commissaire européenne, Madame Vestager, en charge de tout ce qui est finance, attaque la Belgique en disant « c'est illégal, vous devez vous faire ristourner ces 700 millions par les entreprises ». Alors on se dirait qu'un ministre qui a un déficit cette année-là d'environ 10 milliards se dit « chouette, je vais pouvoir récupérer 760 millions ». Eh bien, pas du tout. Il est allé en appel de la décision. Donc il a volontairement voulu casser cette décision de la commissaire européenne en disant « non, non, il faut que ces entreprises puissent continuer à faire de l'évasion fiscale pour 700 millions ». Et 700 millions, c'est quoi ? Avec ça, on pourrait construire 5 400 habitations sociales. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Chaque fois qu'on voit la protection qu'on donne à des entreprises ou des très riches de faire de l'évasion fiscale, il faut voir mais quel est le prix que la population belge paye pour ça. De la même manière, là, en 2017, Van Overtveldt devait traduire en droit belge une directive européenne qui s'appelait Anti-Tax Avoidance Directive, et il décide de s'asseoir dessus. Il a ajouté une clause qui permettra aux banques internes de sociétés, donc parfois des sociétés ont des banques internes, d'échapper à cette taxe. Et là, la perte pour la Belgique, c'était 940 millions d'euros, grâce à M. Van Overtveldt. Et ça, ça correspond à 31 000 places dans des crèches. Je trouve que c'est important de dire à quoi ça correspond. Qu'est-ce que ça empêche de faire ou qu'est-ce que ça permet d'éviter? Oui. C'est parce que le temps avance et j'ai envie de te poser deux, trois questions comme ça, oui, mais vas-y, on en est où? Je veux dire, c'est sûr que toi, tu es très précis, tu expliques bien les choses, tu connais ton sujet, tu vois, mais moi qui connais moins, j'ai une tendance à dire, bah oui, ceux là-haut, ils s'arrangent entre eux. Enfin, je le dis autrement que toi, ils s'arrangent entre eux, ils créent les lois, les règles du jeu pour que ça arrange une minorité de gens avec de l'argent. Après, c'est bien dit ce que je dis là ? Oui, oui, c'est tout à fait ça. Voilà. Et ce qui serait chouette aussi à comprendre ou à développer, c'est de dire que cette richesse que des gens ont, ils l'ont comment, cette richesse, tu vois ? Et ça, on... Parce qu'il y a des gens qui disent « oui, mais c'est... » Qu'est-ce qu'ils font de leur argent ? Non, non, non, c'est comment ils deviennent riches, en fait, ah. Tu vois. Parce que tu parlais d'argent sale, mais quoi, il y a de l'argent propre. Je dis, non, mais moi, j'ai toujours entendu ça, et je trouve que c'est parlant de dire que si t'as plein de pognon, t'es milliardaire, c'est du vol, quoi, t'as volé quelque part. Je sais pas ce que t'en penses, toi, qu'est-ce que t'as à dire à ça ? Parce que les riches, il y a des gens, ils pensent « oui, mais c'est parce qu'ils sont intelligents, c'est parce qu'ils ont inventé l'idée, c'est parce que... » Bon, des fois, c'est simplement parce qu'ils ont le monopole, tu vois, et que, bah voilà. J'aimerais que tu donnes ton avis, comment tu vois les choses. Oui. Mais, quand tu viens de dire « les riches sont riches parce qu'ils sont intelligents ». Alors, je prends le cas de Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Je pense pas ça, moi. Hein. Non. T'as compris, hein. Mais oui, on entend ça, les gens qui réfléchissent pas plus loin, mais non, je sais pas si c'est la bonne manière de dire. Pourquoi est-ce que Jeff Bezos est aussi riche ? Parce qu'il a des centaines de milliers de travailleurs à travers le monde qui travaillent dans des conditions misérables et qui payent très très mal. Il est très riche parce que d'autres gens sont très pauvres et très mal payés. C'est Victor Hugo, je crois, qui a dit « le bonheur des riches s'accomplit sur le malheur des pauvres. Ça, c'est une première chose. Mais les mécanismes qui font que ces gens sont très riches, c'est aussi tous ces mécanismes d'évasion fiscale. Donc ce sont des gens qui engagent des armées de fiscalistes et d'avocats et qui font appel à ce que Christian Savestre appelle les Big Four, ce sont les quatre grandes sociétés multinationales de consulting, qui sont véritablement des organisateurs de l'évasion fiscale. Et c'est assez amusant de voir que dans un pays comme le Luxembourg, où il n'y a pas énormément d'activité économique, les sociétés, les quatre grandes sociétés, donc je parle de Ernst & Young et Deloitte et encore deux autres, elles emploient beaucoup plus de personnes qu'il n'y a d'agents de l'administration fiscale au Luxembourg. Donc les agents de l'administration fiscale, ils sont complètement en échec devant tous ces avocats et fiscalistes payés très très cher pour permettre aux gens d'accumuler de l'argent. Donc je pense que les mécanismes d'évasion fiscale sont une des plus importantes sources de production de la richesse. Oxfam vient de révéler encore que l'année passée, il y a les 5% les plus riches du monde ont doublé leurs revenus en deux ans. Mais c'est important qu'on comprenne ça, mais c'est important aussi qu'on comprenne que les gens qui travaillent, eh bien, ils créent de la richesse qui est volée par celui qui gère la boîte, par exemple. Et en plus, à la place que ce soit redistribué, puisqu'on est dans un pays où normalement, ben, y a des droits, quoi. Y a une santé, tout ça, c'est, à mon avis, il va falloir repartir en guerre. Hein. Il va falloir aller se rebattre parce que tout ça est en voie de perte, quoi. Voilà. Mais je voulais dire que cette richesse, ceux qui tiennent les boîtes la volent. Ils vont la mettre au congélateur. Oui, mais je ne dis pas que tous les entrepreneurs sont des voleurs, hein, attention. Mais on est occupé à parler, parce qu'évidemment, on est subtil, évidemment qu'on ne pense pas que tout est... Je ne pense pas non plus, malgré que... Non, mais on parle de l'évasion fiscale. Oui. Tu vois, on essaye de la regarder. OK, il y a tout ce que tu dis, très détaillé, c'est très minutieux. Il y a tout un journal ici qu'on peut lire là-dessus. Et puisque le temps avance, moi j'avais envie d'un peu plus parler. Ce qui m'intéresse plus, mais je ne veux pas imposer. Non, vas-y. Oui, je vois où on en est. C'est de parler de l'effet sur la population de cette évasion fiscale. L'évasion fiscale coûte environ 4200 euros par an à chaque ménage belge, en perte de revenus. C'est ça qui me semble important. Et. Ça veut dire que sans arrêt, pour ne pas mettre fin à l'évasion fiscale et rapatrier ces 30 milliards d'euros dont je disais dans mon article de 2014, la Belgique n'a pas de problème budgétaire, elle a un problème fiscal. On a un déficit budgétaire, je crois, de 24 milliards pour le moment. C'est 30 ? Ah oui, je confonds. Voilà. Je ne suis pas du tout une matheuse en plus, moi. D'accord. Les chiffres, j'ai... Et donc, on ferait rentrer cet argent qui s'enfuit avec la protection de nos ministres des Finances. On pourrait immédiatement annuler le déficit budgétaire. Mais j'ai une question. Oui. Mais pourquoi il n'y a aucun ministre qui met ça sur la table ? Eh bien, c'est une très bonne question. Non, mais allez, non, toi qui lis le journal et tout, Mais c'est une bonne question. Mais je suis moi-même sidéré de voir la puissance du lobby financier. Je ne la comprends pas. Je ne comprends pas comment des ministres écolo et PS qui sont au pouvoir pour le moment peuvent. Ne parviennent pas à résister à ce lobby. Je trouve ça hallucinant. Parce que les faits sont là. On connaît les chiffres. Je prends un autre exemple, c'est les voitures de société. On en a beaucoup parlé à la radio cette semaine. Deux tiers des voitures vendues l'année passée, c'était des voitures de société. Alors pour les gens qui en bénéficient, c'est génial. Mais ce sont les autres qui payent le prix. Parce que pourquoi est-ce qu'il y a ces voitures de société? C'est pour permettre aux entreprises de donner de l'argent, enfin de récompenser, je dirais, ceux qui ont une voiture de société, autrement qu'en augmentant leur salaire. Parce que si on devait leur donner l'équivalent en augmentation de salaire, ce serait impayable. J'entends ça à la radio plusieurs fois cette semaine. Mais ça veut dire que du coup, il n'y a pas de pression pour augmenter les salaires et que tous ceux qui n'ont pas de voiture de société sont les victimes de ça. Et ça, je trouve que c'est très important à dire, tu vois. De la même manière que l'effet de cette évasion fiscale massive qui empêche d'équilibrer le budget amène le gouvernement à dire sans arrêt « Ah, ben, on va devoir couper dans les budgets parce que l'Europe nous dit qu'on a un dépassement, etc. » Mais le résultat de ça, le résultat concret, c'est que, par exemple, en soins de santé en Belgique, le budget des soins de santé, c'est 60 milliards par an, eh bien, les citoyens payent 18% de ça de leur poche. Alors qu'en France, ce n'est que 9%. Et pourtant, la France n'est pas le paradis. J'entendais encore avant-hier, comment s'appelle-t-il, Jean Hermès, l'ancien président des mutualités chrétiennes, qui disait « Un appareil auditif, on est remboursé de 1 000 euros, mais ça coûte 4 500 €. » Donc on a décidé que les gens qui ont des revenus modestes ne peuvent pas avoir une bonne ouïe. Mais ça, c'est de plus en plus, hein. Oui, les gens mais c'est à cause de l'évasion fiscale. Aussi, oui. Principalement. Oui, oui, mais moi, je vois ça comme ça, Michel. Oui. C'est que là, évidemment, l'évasion fiscale, c'est A plus B plus Y. Ça veut dire que, voilà, c'est de la mathématique. On peut regarder, il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort. Voilà, une des causes qui fait que quand on n'arrête pas d'allumer son poste de radio, de bête radio ou de bête télé, c'est genre la Belgique comment c'est les restrictions, comment on dit le mot là, à la mode budgétaires. Comment tu dis ? Il faut faire des restrictions budgétaires parce que on n'a pas les moyens. Oui, on mais ça pas veut dire moyens. Quoi cette phrase quoi. Ça veut dire que c'est l'excuse que nos ministres utilisent pour dire il faut réduire dans les services publics, dans les soins de santé, dans toutes sortes de choses, parce qu'on n'a pas les moyens. Mais c'est parce qu'on ne veut pas se donner les moyens. Les moyens sont là. Oui, c'est parce que les moyens, on les balance, on les laisse pour une minorité de gens, quoi. Mais c'est oui, ça qui... Oui. Mais évidemment, la société, le système, entre guillemets, c'est pas que ça son problème, quoi. C'est pas que l'évasion fiscale. Non, il y a d'autres choses, mais je veux dire que l'évasion fiscale, c'est un montant tellement énorme que ça permettrait... On n'imagine même pas ce que c'est. Mais c'est surtout... 30 milliards. Oui, mais le déficit budgétaire n'est que de 25 ou quelque chose du genre. Et donc, 25 milliards. Oui, oui. Et donc, en supprimant l'évasion fiscale, on n'a plus de déficit budgétaire et on ne pourrait plus alors entendre des ministres dire... Écoutez, je suis désolé, mais on va devoir fermer des bureaux de poste ou on va devoir fermer... Et ça, ce serait bien de l'entendre plus souvent dans les bêtes radio et les bêtes télé. Oui, hein. Oui, parce que des fois, les gens discutent avec eux. Ils font « Oui, mais quand même, il faut faire... on ne peut pas accepter les étrangers. On ne peut plus... Tu vois ce que je veux dire? Ils sont là, alors que quand tu regardes autour de toi, il y a de la richesse, quoi. Oui. 500... Le PIB, 500 milliards. Le quoi? Le produit intérieur brut. Oui, c'est à peu près 500 milliards. Donc c'est de la richesse produite oui, en Belgique, oui, quoi. Oui, oui, tout à fait, oui. Mais c'est cet argument symbolique et idéologique qui est à penser tout le temps, pour dire on va quand même pas augmenter les impôts pour pouvoir se payer de meilleurs services publics ou de meilleurs chemins de fer ou de meilleurs soins de santé. On n'a pas d'argent et l'Europe va nous taper dessus. Mais non, c'est parce qu'on ne veut pas prendre l'argent là où il est. La Belgique est riche, comme tu dis. Oui, mais ça ne la rend pas plus intelligente. Hein. Moi, je dis, non, mais je veux dire, c'est important. Hein. Moi, je suis... Ouais. Enfin, après, tu sais, c'est... L'argent. Oui. Il n'y aurait plus que ça aussi dans la tête de tout le monde, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tout ramener à l'argent. Bon, et il y a des gens, ils crèvent vraiment parce qu'il n'y a pas, il y a pas cet outil-là pour pouvoir échanger des choses dans la vie, à manger, à se loger. Et pour les gens qui n'ont pas de revenus suffisants, tout s'accumule. Ils ont de l'insalubrité dans leur logement, donc ils ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes de mobilité. Ils sont devant des murs de tous les côtés. Et tant qu'on n'aura pas décidé de prendre ça à bras-le-corps et qu'on permet des accumulations de richesses aussi énormes, ça va rester comme ça. Oui, et ça va s'accentuer aussi, parce que si ça continue... Drôle de... Moi, j'aimerais tellement... Comment on pourrait faire pour faire entendre ce que tu viens de nous raconter, là, plus souvent, que ce soit entendu plus souvent dans les médias? Comment on peut faire? Je suis un peu désespéré, là, je t'avoue, parce que quand on a sorti notre article, Christian Savestre et moi... Oui, non. Celui dont le titre est... C'est l'histoire d'un pays dont s'échappe chaque jour 1 milliard d'euros. Donc 383 milliards par an, c'est de l'ordre de 1 milliard par jour qui quitte la Belgique vers Dubaï ou vers des paradis fiscaux, principalement Dubaï. Eh bien, on publie ça et on se dit, la presse va sauter là-dessus. Et je demande au soir de dire, mais vous ne pouvez pas en reparler? Rien. J'écris à des journalistes que je connais bien à la RTBF. Oui, on a été interviewés tous les deux par... comment est-ce qu'il s'appelle oh là là... Un petit trou qui passe? Oui, oui. Je ne sais pas t'aider. En tout cas, par une journaliste? Non, un journaliste. Un journaliste. Qui a fait l'émission le soir, au goût du jour, au bout du jour. Je ne vois pas. Non? Je ne vois pas, non. Ah, bon... oh là là, son nom va me revenir dans la minute qui vient. Kakelbergs, Eddie Kakelbergs, voilà. Lui a fait le lien. Oui, donc il nous a interviewés pendant une demi-heure. Mais on se disait, d'autres journalistes, et moi j'en ai contacté plusieurs. Ah oui, c'est intéressant, on va revenir vers vous pendant la campagne électorale ou quoi, mais non. Ça m'étonne. Mais voilà, ça t'étonne, mais moi, ça m'étonne, oui, parce qu'on se dit qu'il y a des bons journalistes, quand même. Oui, mais en fait, oui. C'est tenu de plus en plus par la finance aussi, tout ça. Oui. Tout se tient. Quand tu sais qu'en France, il y a 4 milliardaires qui contrôlent 95% de la presse, tu ne t'étonnes pas de ce qui se passe. Et que le discours macroniste... passe tous les jours et il est de plus en plus le même que le discours lepéniste, quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est normal quand la plus grosse partie de la presse appartient à 4 milliardaires. Mmh. Bon, là-dedans, il y en a un qui se dit de gauche, mais les autres, non. Mmh. Voilà. Comment on terminerait ? Ah, je croyais que c'était fini, moi. Écoute, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je trouve que depuis une dizaine d'années, chez les jeunes, beaucoup de jeunes, dont j'en connais pas mal, par mes enfants notamment, il y a une prise de conscience politique plus affirmée qu'avant. Moi, j'ai été prof du NIF pendant toute ma vie. J'ai connu une période de 15 ans où je ne voyais plus que des gens hyper individualistes dans les étudiants. Et les enjeux de société, ça ne les intéressait pas. Et je trouve qu'il y a un revirement. Et donc, je trouve que des vieux comme moi ont le devoir de les soutenir, de montrer qu'on est avec eux et de ne pas simplement dire « Écoutez, nous, on a milité toute notre vie, maintenant, c'est à vous. » Donc, voilà, ça, c'est un message. Mais le combat est difficile et il est long. Il faut toujours rêver qu'on va arriver à gagner des choses. C'est bientôt les élections. On a une année où on doit... Oui, en plus, il y a trois. Il y a les européennes, les fédérales. Il y a parfois des choses. Et donc ça, c'est important de le noter, le marquer. Et je pensais à ça l'autre jour. J'étais à Louvain-la-Neuve, à l'Esplanade. Tu vois ce que c'est, l'Esplanade? Oui. Il y a 7-8 ans, il y a eu un projet de doubler la surface de l'esplanade. Il y a eu une très grosse opposition de la GL, des syndicats, des habitants et tout et tout. Et là, en tout cas, le projet a été gelé. Il va peut-être surgir un jour, mais je me suis dit, on n'a pas beaucoup de victoires depuis 10 ans, mais ça, c'était une victoire, parce que ça allait démarrer incessamment. Voilà. Donc, ouais, ouais. Il faut croire à ça. Il faut rappeler qu'il y a des choses qu'on gagne, quoi, c'est voilà. Ça. C'est important. Sinon... Oui, c'est vrai qu'il faut rester accroché. Hein. On termine là-dessus ? Oui. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Michel, hein, vraiment, d'avoir pris tout ce temps. En plus, tu as bien tout préparé et tout. Merci, merci. J'ai passé du temps ce matin, parce que je suis en plein travail sur ma chronique Zéro Service. Ta chronique Zéro Service, en deux mots. Je suis en train de rédiger une chronique sur... le fait qu'on a basculé depuis 10 ans dans une société où on élimine les services et où on est devant des murs sans arrêt. Quand on veut téléphoner à une banque ou quoi, d'abord, vous ne trouvez plus de numéro de téléphone sur les sites. On ne peut plus téléphoner. Il n'y a plus d'humain, c'est ça que tu veux dire ? Il n'y a plus d'humain. Il n'y a plus moyen de contacter un humain. Et par contre, il y a cette société qui doit être la plus grosse du monde qui s'appelle No Reply. No Reply. Tu ne reçois pas, toi aussi, des mails No Reply ? Quand non, je ne crois pas. Moi, je reçois sans arrêt des... C'est quoi, ça, No Reply ? C'est une banque, ou c'est la mutuelle, ou c'est n'importe qui t'envoie un mail, et quand tu veux répondre, il est marqué No Reply. Ça veut dire que tu ne peux pas répondre. Ok, d'accord. Tu ne peux pas répondre. Okay. Donc, ils se permettent le droit de dire, nous, on peut te parler, mais toi, tu ne peux pas nous parler. Ça, c'est bien dit, ça, parce que c'est vraiment ça qui se passe. C'est exactement ça. C'est ça qui se passe. Et donc, ça donne des frustrations hallucinantes. Moi, je passe mon temps à enrager. Et quand on n'a personne en face de soi à qui on peut dire, écoutez, je suis vraiment très fâché, qu'est-ce qui vous reste ? Taper un coup de poing dans votre écran ? Non, ça ne va pas, ça ne sert à rien. Donc, on râle. On est devant des murs. Je donne un exemple. 2 minutes. Oui, non, on ne va pas terminer là-dessus, c'est pas vrai. Allez, vas-y, vas-y. Oui, bon. Mais c'est pourquoi je te dis 2 minutes parce qu'après, ça coupe vraiment. Ça va. Je donne un exemple. J'ai une sœur qui habite l'Australie. Elle vient de temps en temps en Belgique. Elle a besoin d'un compte en Belgique. Je téléphone chez ING pour ouvrir un compte parce qu'elle avait lu quelque part que pour des personnes domiciliées à l'étranger, ING acceptait d'ouvrir des comptes. Je téléphone d'abord et j'ai d'abord, évidemment, l'inévitable message. Le temps d'attente est exceptionnellement élevé aujourd'hui. Il est 365 jours par an et donc chaque jour, on entend ce même message. Après plusieurs menus, si vous voulez parler à quelqu'un, tapez 5. Waouh, génial, j'ai touché le Graal. Je tape 5. J'ai un robot qui me répond. Dites-nous, quelle est votre demande ? Et je dis, je veux ouvrir un compte chez ING. Nous avons bien compris. Dites-moi quel est votre numéro de client. Alors là, je me dis non. Non, ça c'est le surréalisme à la belge, quoi. Notre numéro de client. Tu veux ouvrir un compte à la banque, on te demande ton numéro de client. Tu ne fais rien, tu es abasourdi. Et après 1 minute, tu te dis, il y a un humain qui va venir peut-être. Non, le robot revient. Le numéro que vous avez tapé n'est pas correct. Mais j'ai rien tapé du tout. Oui, on en rigole, mais ça peut rendre dingue. Hein. Ça rend dingue. Ça pose surtout plein de questions. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi c'est comme ça ? Moi, je me souviens de banques, enfin, de banques contacts qui ferment. Ouais. Tu vois, il y en a plein qui ont été fermés. Et du coup, on se retrouve à plusieurs comme ça. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il y a plein de questionnements, c'est quoi. C'est une violence qu'on nous impose. Hein. Oui, enfin... En tout cas, ils décident. C'est surtout qu'ils décident. Il y a des gens qui décident pour nous, quoi. Bon, on le savait, mais là, c'est un peu trash, quoi. Ouais, c'est un peu violent comme ça. Ouais, c'est bizarre. Bon, merci Michel. Michel. Ouais. Géverse. Géverse. Géverse. Géverse. Géverse.